On va parler des Marquis de Jonquière, fiche de 500 pour les Marquis de Jonquière. Grosse transaction également. On en parle avec notre collaborateur des Marquis, Dominique Bauduc, de CKJ. Salut Dominique. Salut Dominique. On va commencer avec d'abord la nouvelle de la fin de semaine, c'est cette méga transaction. Pourquoi je dis méga? Parce que Francis Charette, c'est un joueur qui, année après année, récoltait des points que les Marquis avaient exprimé le vœu clair de s'en aller. Et finalement, son vœu est exaucé. S'en va à Saint-Georges-de-Beauce contre Jérémy Vigneault-Bélanger, un choix de deuxième ronde. Oui, exactement. Plusieurs attendaient cette transaction-là depuis quand même un bon bout de temps. Les Marquis attendaient du côté de la direction la meilleure offre possible. Du côté de Saint-Georges, on semblait très intéressé au service de Charette. Évidemment, Charette lui voulait aller soit à Saint-Georges. Il y avait également peut-être Femmes et Sorel. Évidemment, du côté de Saint-Georges, bien légué de sa l'ancien entraîneur des Marquis était là. Du côté des Marquis, depuis le début de la saison, on tentait d'acquérir Jérémy Vigneault-Bélanger également. Du côté de Saint-Georges, on voulait pas vraiment le laisser partir. Donc, finalement, d'un commun accord, on a réussi à faire la transaction, en plus d'un choix de deuxième ronde. Ça me semble que c'est pas beaucoup. Est-ce que je me trompe? Ben, faut quand même regarder la fiche de Jérémy Vigneault-Bélanger l'an dernier. 58 points en 38 rencontres. C'est un gars de Jonquière, ouais. En tout ça. Cette année, peut-être un début de saison plus difficile, mais pour la valeur de Charette depuis le début de la saison, avait seulement joué 4 matchs. Avait vraiment donné... il avait serré un peu la main des Marquis pour faire une transaction. Donc, sa valeur avait un petit peu baissé, mais pour ce qui est d'une transaction, ben, lorsqu'on regarde du côté de Jonquière, on échange un joueur qui jouait pas contre un joueur qui est dans le top 10. OK. Mais c'est sûr que là, Charette, en se présentant pas, en disant qu'il voulait partir... c'est sûr que ça baisse sa valeur. Oui, exactement. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui disent que la transaction est un peu inégale. Mais moi, je pense que c'est la meilleure transaction. OK. Parlons des deux matchs de fin de semaine. Une fiche de 500 pour les Marquis. Oui, exactement. Une série aller-retour, justement, contre les mêmes Coulessens de Saint-Georges-de-Beauce. Lors des dernières rencontres, c'était quand même très émotif entre ces deux équipes-là. Lors du match à Saint-Georges-de-Beauce, un match très, très, très serré qui a été vraiment une belle performance du gardien de Saint-Georges, Pierre-Olivier Pelletier, qui a réalisé de multiples beaux arrêts. Finalement, ça a été égal. Les Marquis qui étaient à 10 secondes d'aller chercher au moins un point en prolongation, mais Kevin Cloutier qui a donné les devants pour de bon avec 10 secondes à faire. Donc, victoire de 3-2. Et le lendemain, au Palais des Sports, on savait bien que les Marquis allaient rebondir en force et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les devants rapidement et on finit avec une victoire de 3-2. OK. Qu'est-ce qui se passe au cours de la prochaine semaine pour les Marquis? Prochaine fin de semaine, quand même deux matchs quand même déterminants. Vendredi soir, au Palais des Sports à 20h, les Éperviers de Sorel-Tracy qui sont de passage. Toujours des bons matchs contre cette équipe-là, qui connaît une part de difficultés, beaucoup de blessés depuis le début de la saison. Et par la suite, samedi, les Marquis s'en iront en Ontario pour s'en rendre à Cornwall et affronter les River Kings qui ont congédié. En fait, qui ont remercié leur entraîneur Rick Lalonde, qui est également leur directeur général. Donc, il va demeurer le directeur général, mais ils sont à la recherche d'un nouvel entraîneur. On parle déjà de Serge Forcier. Serge Forcier, l'ancien des Marquis, c'est ça, hein? Oui, exactement. Ouais. Des Marquis qui a débuté la saison à Laval. Ça serait un candidat parfait pour une équipe qui n'arrache vraiment qu'un... des bons joueurs, mais pour ce qui est de la structure de l'équipe, du système de jeu, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut un entraîneur qui connaît ça. Donc, je pense que Forcier est quand même idéal pour la formation. Ben, merci beaucoup. On s'en reparle sur les ondes de CKJ mercredi. Voilà, merci. Donc, le descripteur des Marquis de Jonquière, Dominique Bolduc.